contes de fées, de belles au bois dormant, d'Ophélie assoiffée d'amour adolescent. Y a plus que moi qui chante, perdu dans l'univers, au cœur de ma tourmente, comme mon cri dans le désert. J'aurais voulu au moins recevoir un signe, un geste, un mot de toi, juste avant le départ. Que fais-tu, Eldorado? Où vis-tu, Eldorado? Dans quel pays? Jouer avec leur cerf-volant les après-midi d'été. Ils se sont envolés, fuis de ma mémoire, comme un papier froissé oublié sur le trottoir. J'aurais Eldorado, que fais-tu? J'aurais voulu un geste.